De la psychologie de saint Augustin. Chapitre 15. 1 et 2. De la destinée de l'âme après la mort. Non content de croire à un autre monde dont la mort nous ouvre la porte, Augustin se demande ce que ce monde peut être, il s'interroge sur ces royaumes inconnus, mystérieux, où, depuis l'origine des choses, toutes les générations se sont précipitées. L'âme y vivra-t-elle dans un état d'inaltérable félicité ou de misère irrémédiable, placée en dehors de toutes les conditions actuelles de l'existence et des fluctuations qui la caractérisent, ne pouvant plus ni s'élever ni déchoir, et restant éternellement immobile? Renaîtra-t-elle à la lumière du jour, et traversera-t-elle une série de vies nouvelles, agitées comme celle-ci, pleine comme elle de joie et de peine, et ayant comme elle leur progrès et leur défaillance? Si notre pieux auteur avait été un simple philosophe, il aurait peut-être hésité entre ces deux doctrines, car ni l'une ni l'autre, tout le monde en conviendra, ne saurait être établi d'une manière rigoureuse par les seules forces de la raison. Mais, en sa qualité de théologien, il dut vivement embrasser la première qui avait pour elle l'autorité divine des saints livres, et se prononcer contre la seconde qui ne reposait que sur l'autorité toute humaine des platoniciens et des disciples de Ménès. Dieu, selon les platoniciens, crée de toute éternité. Prétendre le contraire, c'est prétendre qu'il a eu une éternité de repos avant la création, et que tout à coup, sans que l'on sache pourquoi, il s'est repenti de son oisiveté, et s'est mis à l'œuvre. Dieu, ajoute-t-il, agissant de toute éternité, s'il créait toujours des êtres nouveaux, il créerait des êtres en nombre infini, c'est-à-dire en nombre tel qu'aucune science, pas même la science divine, ne saurait les embrasser. En d'autres termes, Dieu agirait au jour le jour, produisant tantôt une chose, tantôt une autre, suivant les circonstances, au lieu de réaliser harmoniquement un plan éternel, et de faire passer à l'être, avec intelligence et discernement, les idées qu'il porte dans son sein. Pour échapper à cette difficulté d'un Dieu créant dans le temps, et d'un Dieu créant au hasard et réalisant indistinctement tous les possibles, les platoniciens ne voient qu'un expédient, c'est d'admettre que toutes choses se renouvellent et finissent par revenir, après un certain nombre de siècles, dans leur premier état, soit que ces révolutions s'opèrent au sein du même monde, soit que le monde lui-même périsse et renaisse successivement. L'être humain est, comme tout le reste, entraîné dans ce flux et reflux d'existence, et a, comme tout le reste, ses morts et ses renaissances alternatives. Les âmes qui ont bien vécu ne quittent leur corps que pour s'envoler plus vives, plus heureuses, vers les régions du ciel, et se reposer de leur fatigue terrestre au sein des étoiles ou dans quelque autre séjour fortuné. Ayant oublié dans cette haute demeure les maux d'ici-bas, elles finissent, au bout d'une longue suite d'années, par souhaiter d'y revenir, et c'est ainsi qu'elles passent tour à tour de la terre au ciel et du ciel sur la terre, et alternent entre les misères de cette vie et la béatitude de l'autre. Quant aux âmes criminelles et impures, après avoir subi dans les enfers les châtiments qu'elles méritent, elles entrent dans de nouveaux corps appropriés à leurs mœurs et à leurs habitudes, et expient encore pendant un temps les fautes de leur vie passée. Augustin ne se borne pas à réfuter ces théories de la métempsychose, comme on le ferait peut-être aujourd'hui, en se fondant sur la nature morale de la peine, qui implique la notion de l'identité personnelle et le souvenir. Il prend une à une toutes les parties de cette doctrine, et en démontre le peu de solidité. Il s'indigne contre ces philosophes qui mesurent à leur sagesse bornée la sagesse de Dieu qui est sans borne, qui ne comprennent pas que ces mots avant, après, ne s'appliquent pas à Dieu, mais à ses créatures. Que Dieu a pu vouloir que la création commence à tel jour, à telle heure, tout en le voulant d'une volonté immuable, éternelle, et sans agir plus ou moins à un moment qu'à un autre. Ces mouvements circulaires qui emportent tous les êtres de l'univers, et qui ne manquent pas d'analogie avec les ricorsi, recours, auquel un philosophe moderne a soumis les choses de l'ordre social, ne séduisent point l'imagination de l'illustre évêque d'Hippone, et révoltent à la fois sa piété et son bon sens. Comment, dit-il, les platoniciens peuvent-ils prétendre qu'après un laps de temps déterminé, les mêmes événements se reproduisent exactement de la même manière, et tournent, pour ainsi dire, dans le même cercle? Quoi, Platon n'aurait pas seulement enseigné la philosophie à Athènes, à certains auditeurs, au IVe siècle avant notre ère, mais il l'aurait déjà plusieurs fois enseigné, dans la même ville, aux mêmes auditeurs, des milliers d'années auparavant? Que dis-je? Il l'enseignerait encore plusieurs fois des époques ultérieures, aux mêmes auditeurs et dans la même ville. C'est là une opinion qu'il suffit d'énoncer pour en faire sentir le ridicule. De plus, ces philosophes qui seraient crient si fort contre tout ce qui peut porter atteinte à la majesté de Dieu, le font-ils donc agir d'une manière bien sage et bien digne de lui dans la répartition des récompenses et des peines de la vie future? Quel prix tient-il en réserve, suivant eux, pour les âmes grandes et saintes qui se sont élevées vers lui sur les ailes de la pensée et de l'amour? Une félicité menteuse ou une misère véritable? Si une fois qu'elles sont parvenues dans son sein auguste, il leur laisse ignorer les épreuves nouvelles qui les attendent, il les rend heureuses, il est vrai, mais il les trompe, s'il leur dévoile, au contraire, les maux qui seront encore leur partage dans l'avenir, il ne les trompe pas, mais il altère toute la douceur de leur félicité présente. Enfin, comment admettre que les âmes, quand elles ont été purifiées, et qu'elles ont pris possession du bien suprême, veuillent le quitter pour rentrer dans la carrière de la vie temporelle, et se débattre encore contre la douleur, l'ignorance, la corruption dont elles ont eu autrefois tant de peine à triompher? La jouissance de la félicité, de la sagesse, de la perfection, peut-elle donc avoir pour effet de nous faire aimer leur contraire? De la Genèse au sens littéral, livre 7 chapitre 10, cité de Dieu livre 10 chapitre 30 et livre 12 chapitre 13 et 17. Augustin ne se lasse pas d'attaquer cette doctrine, tantôt avec les armes d'une raison sévère, tantôt avec les traits d'une ironie piquante. Les âmes vertueuses, s'écrit-il dans un de ses sermons, s'envolent dans le ciel. Je ne puis que vous applaudir de leur donner une si belle demeure. Elles habitent les étoiles et vivent dans la société des dieux immortels. C'est très bien à vous de les mettre en si bonne compagnie et dans un séjour si radieux. Mais, ajoutez-vous, après un certain nombre de siècles, ayant oublié les maux de cette terre, elles éprouvent le besoin d'y redescendre et redescendent en effet. Ici Augustin cesse de comprendre et d'applaudir. Elles redescendent sur la terre, dites-vous, parce qu'elles ont oublié les maux de la vie. Mais, si elles les ont oubliés, elles doivent aussi en avoir oublié les plaisirs. Comment donc peuvent-elles éprouver le désir de revivre et d'animer de nouveaux corps? Cette doctrine a révolté le poète même qui en a fait l'exposition, et qui l'a mise dans la bouche d'un père parlant à son fils au fond des enfers. Dans ce morceau trop connu, dit pieusement Augustin, Anchise montre à son fils aîné les âmes des illustres Romains qui doivent un jour revêtir des corps mortels, et celui-ci s'écrie, « Ô mon père, est-il possible de croire que certaines âmes retournent d'ici vers la voûte du ciel et se remettent dans les chaînes pesantes du corps ? Les malheureuses, d'où leur vient cet amour forcené de la lumière ?» Le fils qui écoutait cette doctrine était plus sensé que le père qui l'enseignait. Il ne pouvait s'expliquer ce désir d'une vie nouvelle, il le trouvait étrange, et regardait comme malheureuses les âmes qui en étaient possédées. Vous élevez les âmes, ô philosophe, s'écrie le grand évêque, à un état de pureté incomparable. Mais comment cette pureté produit-elle l'oubli de tous les maux, et cet oubli le retour de ces maux eux-mêmes? Vous vous proposez, ô Pythagore, ô Platon, ô Porphyre, dans vos méditations philosophiques, d'arriver à la vie heureuse. Mais comment y arriverez-vous? L'âme vit ici-bas dans un état de malheur que tempère l'espoir de la félicité future, et là-haut dans une félicité que la crainte des maux à venir ne peut manquer de corrompre. Ce bien parfait que vous cherchez et que toute âme désire, où donc est-il? Sermon 241 chapitre 4 à 6, Cité de Dieu livre 10 chapitre 30. Que dire des incroyables transmigrations par lesquelles ils dégradent l'âme raisonnable jusqu'à la faire entrer dans un corps de brute, et exaltent l'âme irraisonnable au point de l'introduire dans un corps d'homme? Sur quel principe reposent ces métamorphoses singulières? Sur le principe que les ressemblances morales appellent et déterminent des ressemblances physiques, correspondantes. Comme si l'âme d'un pourceau pouvait jamais se modifier au point d'être plus semblable à l'âme d'un homme qu'à celle d'un autre pourceau. Comme si l'âme d'un lion, lors même qu'elle déposerait entièrement sa férocité native, pour prendre les mœurs les plus douces et les plus bénignes, pouvait jamais se transformer de manière à offrir plus de rapport avec l'âme d'un homme qu'avec celle d'un mouton ou d'un autre animal du même genre. De la Genèse au sens littéral livre 7 chapitre 10. Toutes ces difficultés, dit saint Augustin, avaient tellement frappé le célèbre Porphyre qu'il soutint, contrairement à l'opinion de Platon, son maître, qu'une fois les âmes purifiées et unies au Père, rien ne saurait plus les en séparer. Plutôt que de croire qu'elles ne peuvent jamais arriver à un état définitif où elles trouvent le parfait repos et le bonheur dans toute sa plénitude, il est même mieux renoncer au grand principe platonicien, que la mort naît toujours de la vie, et la vie de la mort. Il ne l'admit que pour les âmes qui n'ont point encore subi leur purification dernière, et qui doivent à nouveau faire recommencer les luttes de l'existence. Mais ici encore il rectifia la doctrine platonicienne, en répudiant la croyance qu'une âme coupable entre, à la mort, dans le corps d'un animal, une âme humaine ne doit animer, suivant lui, qu'un corps humain. Cité de Dieu livre 10 chapitre 30. Ces arguments d'Augustin contre la métempsychose platonicienne nous paraissent pour la plupart pleins de force et de solidité, et nous ne savons pas trop ce qu'un disciple de Platon aurait pu y répondre. Mais, s'ils sont valables contre la métempsychose platonicienne, qui place nos existences ultérieures sur le globe que nous habitons, et les fait mouvoir dans un cercle d'où elles ne sauraient sortir, serait-il également concluant contre la métempsychose qui déroule la série de nos vies futures au sein de l'espace infini, et les fait tendre d'une manière régulière et progressive vers le principe de tout bien? Nous ne le croyons pas. Faites abstraction du dogme chrétien, tenez-vous-en à ce que Bossuet appelle le pur philosophique, il vous sera impossible d'établir que l'existence terrestre est l'unique épreuve de l'âme, et que nous ne recommençons pas, après la mort, dans d'autres corps et dans d'autres conditions, la carrière de la vie. De la croyance de ceux qui séparent entièrement l'âme du corps au jour suprême et la conçoivent à l'état d'esprit pur, et de l'opinion de ceux qui veulent qu'elle s'unisse à un organisme quelconque, la dernière n'est pas la moins vraisemblable. Admettons que perdre tout organisme ce ne soit pas pour l'âme perdre deux de ses facultés, la sensibilité et la force motrice, c'est-à-dire la faculté d'être modifiée par les objets et celle de les modifier à son tour, c'est, chose plus grave et d'une importance capitale, c'est entrer dans un état sans analogie avec l'état présent, contrairement aux lois ordinaires de la nature, qui ne procèdent pas ainsi par transition brusque et heurtée, et qui brodent en quelque sorte de mille manières un canevas unique. Après avoir réfuté les platoniciens, Augustin prend à partie les manichéens, ses anciens amis, et les combat aussi avec beaucoup de force et de vivacité. De tous ceux qui se sont occupés de l'âme et de la vie future, ce sont, dit-il, ceux qui ont donné dans les plus graves aberrations. Bien qu'ils fassent profession de christianisme, ils se sont laissés aller, sur ces deux points, à des rêveries si singulières que celles même des philosophes païens n'en approchent pas. Ceux-ci distinguent au moins la nature de l'âme et la nature de Dieu, tandis que ceux-là les identifient. Ils vont plus loin, comme ils admettent, d'un côté, que l'âme est une portion de la substance divine, et, de l'autre, que les animaux et les plantes sont vivifiés par une âme, ils en concluent qu'il n'y a pas un seul brin d'herbe, pas un seul vermisseau, qui ne contienne quelque parcelle de la divinité. En tuant un animal, les philosophes n'ont à craindre que d'égorger leur prochain, les manichéens sont sûrs d'égorger Dieu lui-même. De la Genèse au sens littéral livre 7 chapitre 11, contre Faust livre 20 chapitre 20. Quand l'âme humaine s'échappe de l'enveloppe corporelle où elle était renfermée, voici à peu près, suivant eux, ce qui arrive. Les âmes qui n'ont pas bien vécu entrent dans des animaux ou dans des végétaux, où elles continuent à exercer les fonctions de la vie, du sentiment, de la pensée, et où elles expient les fautes de leur existence antérieure. Chacun de ces organismes est pour elles un lieu de purification, un purgatoire. Les âmes vertueuses doivent aussi animer de nouveaux corps, mais dans des conditions beaucoup meilleures. L'âme du manichéen, qui était simple auditeur, descend, après une vie exemplaire, dans le corps d'un élu, ou bien elle entre dans quelqu'un des légumes dont les élus se nourrissent. Ceux-ci la séparent, dans l'acte de la digestion, de tout alliage impur, si bien que la matière n'a plus de prise sur elle, et que, dégagée désormais de tout contact avec les corps, affranchie de la nécessité cruelle de s'unir à eux, elle s'embarque sur les navires du ciel et vogue vers la terre de lumière où réside la parfaite et impérissable béatitude. Des Hérésies chapitre 46, contre Faust livre 5 chapitre 10 et livre 20 chapitre 21. Augustin reproche aux manichéens d'avoir agité avec un esprit charnel ces questions obscures, et d'avoir été conduit par là à des opinions fausses, nuisibles, monstrueuses. Il suffit, dit-il, pour les combattre, de s'attacher fortement à ce seul principe naturellement admis par toute créature raisonnable, que Dieu est immuable, incorruptible, et que sa pure substance ne saurait se partager entre tant d'êtres différents. Avec la doctrine de la mutabilité divine tombe la religion des manichéens et la fable aux mille formes qu'ils se sont évertués à construire. De la Genèse au sens littéral, livre 7 chapitre 11. Toutefois Augustin ne s'en tient pas à cette réfutation sommaire. Avec la verve ardente et moqueuse d'un homme autrefois séduit par cette doctrine, et qui lui garde rancune de la fascination qu'elle avait exercée sur lui, il la suit dans les conséquences qu'on en tire, dans celles devant lesquelles on recule, et la livre sans pitié aux railleries de ses lecteurs. Cet écrivain, qui est si touchant dans l'expression de ses croyances, est extrêmement sarcastique dans l'expression de son incrédulité. Il attaque le manichéisme avec l'ironie mordante que Voltaire tournera un jour contre le christianisme lui-même. Nous allons résumer cette curieuse polémique en demandant grâce pour quelques détails familiers qui choqueront peut-être la délicatesse du goût contemporain. En professant l'opinion que des âmes raisonnables sont emprisonnées sous l'écorce des plantes, et qu'elles sentent le mal qu'on leur fait, les manichéens sont amenés à regarder l'agriculture, le plus innocent de tous les arts, comme un art cruel, et à mettre à sa charge une foule d'homicides. Les élus, qui sont parmi eux les hauts dignitaires, se garderaient bien de cueillir un fruit, d'arracher une feuille d'arbre, craignent de faire souffrir une âme. Ils attendent tranquillement que les auditeurs leur apportent de quoi subvenir à leurs besoins, et vivent des nombreux et épouvantables homicides que d'autres commettent. On voit ces auditeurs barbares s'armer d'un couteau, d'une serpe, lancer dans un jardin, promener le meurtre sur les melons et les citrouilles, et apporter, au prodige, leur cadavre encore vivant au pied des élus. De deux choses l'une, ô élus, dit saint Augustin, ou vos auditeurs tuent ces cucurbitacées en les cueillant ou ils ne les tuent pas. S'ils ne les tuent pas, pourquoi craignez-vous de faire comme eux et de les cueillir vous-même? S'ils les tuent, comment leur reste-t-il une âme que vous puissiez purifier en vous livrant aux fonctions de la mastication et de la digestion? Ne sont-elles pas mortes, mais seulement blessées? Que ne vous contentez-vous alors de la blessure que l'auditeur leur a faite quand il les a cueillis? Vous devriez avoir assez bon cœur pour les avaler sans leur donner un seul coup de dent, afin qu'elles arrivassent sans aucune lésion et dans toute leur intégrité au laboratoire de votre pensée où vous les faites passer à l'état divin. Mais point. Avant de les broyer avec les molaires, vous les coupez en mille morceaux avec les incisives, pour peu que leur goût chatouille votre palais. Les pauvres citrouilles, vous allez jusqu'à les mettre sur le feu. Et je vous laisse à penser ce qu'elles y ont à souffrir. Savez-vous quel est le plus humain d'entre vous? C'est celui qui s'est exercé à absorber le plus de légumes sans les faire cuire et sans les mâcher. Une fois en veine de raillerie, saint Augustin ne s'arrête plus, puisque vous vous permettez, dit-il, de manger les citrouilles et même de les faire cuire. Vous devriez bien aussi les cueillir. Ce ne serait jamais qu'une blessure de plus, et de votre main elle leur serait on ne peut plus douce. Les fruits souffrent, je le veux bien, quand on les détache de leurs tiges, mais ils ne sont pas seulement doués de sensibilité, ils ont encore de l'intelligence, et devinent quelles sont les personnes qui viennent les prendre. Aussi, à votre approche, ils se réjouiraient au lieu de gémir, sachant bien qu'ils vont acquérir, au prix d'une douleur passagère, une félicité sans fin, et qu'ils échappent au malheur qui les aurait frappés, s'ils avaient été cueillis par d'autres mains que les vôtres. De plus, si vous avez réellement la faculté de délivrer, en digérant, les âmes mêlées aux aliments qu'on vous sert, il semble que vous faites mal de jeûner. Vous ne devriez jamais laisser reposer la fournaise où l'or spirituel se purifie du fumier qui le souille, et où la divinité s'affranchit des nœuds qui la tenaient emprisonnée. Il est vrai que votre position est fort embarrassante. Il y a, de votre part, de la cruauté à manger, puisque vous faites en souffrir, mais il y a aussi de la cruauté à jeûner, puisque vous cessez alors d'affranchir l'élément divin des choses. Des Hérésies chapitre 46, contre, Faust livre 6 chapitre 4. Les manichéens s'intéressent beaucoup aux âmes des bêtes, ils croient qu'ils seront exclus du royaume des cieux, si les bêtes n'y entrent pas. En attendant, ils ont pour elles une rare bonté sur la terre, et évitent avec le plus grand soin de les maltraiter, de les tuer et de les manger. C'est que frapper du fouet une bête de somme pour la faire avancer, ou retourner violemment le mort dans sa bouche pour la retenir, c'est s'exposer à faire souffrir l'âme d'un père. Cependant, les manichéens ne poussent pas leurs principes jusqu'au bout. Ils tuent sans scrupule les insectes qui peuvent les incommoder, sous prétexte que les âmes raisonnables n'entrent pas dans des corps si petits. Mais qu'ils veuillent bien nous dire quelle grandeur précise doit avoir un animal, pour qu'une âme raisonnable puisse s'y loger. Si elle entre dans un renard, pourquoi pas dans une belette? Si dans une belette, pourquoi pas dans un rat? Si dans un rat, pourquoi pas dans un lézard? Si dans un lézard, pourquoi pas dans une sauterelle? On voit qu'à moins de tomber dans l'arbitraire, il est impossible de s'arrêter, dans cette gradation descendante, à un degré de petitesse qui exclut l'âme raisonnable, et que, par conséquent, les manichéens courent grand risque, en tuant leur puce, de se mettre sur la conscience des meurtres innombrables. Contradimentus manichéen chapitre 12. Pourquoi, d'ailleurs, se font-ils scrupule d'ôter la vie aux animaux plutôt qu'aux végétaux, puisque les mêmes âmes les animent, suivant eux, les uns et les autres? Cela vient sans doute de ce que les animaux ne peuvent être mangés que quand leurs âmes se sont retirées de leur corps et ne peuvent plus être purifiées dans l'acte de la digestion. Mais n'en est-il pas de même des végétaux? Ô bienheureux légumes, s'écrie Augustin, on a beau les arracher avec la main, les couper avec le fer, les tourmenter dans la flamme et les broyer avec les dents, ils arrivent vivants dans vos entrailles saintes, comme sur des autels. Malheureux, au contraire, les animaux dont les âmes s'échappent trop vite du sein des organes et ne peuvent entrer dans vos corps. Contre Faust livre 6 chapitre 6. On trouvera peut-être que saint Augustin ne devait pas prendre de telles rêveries au sérieux, et que ses efforts ont été hors de proportion avec l'obstacle qu'il voulait vaincre. C'est l'illusion où l'on tombe toujours, quand on considère à distance les luttes de la critique rationnelle contre l'illuminisme religieux. On ne veut pas voir que les erreurs à combattre ont alors dans les cœurs et dans les mœurs mille racines secrètes, qu'elles sont défendues par le sentiment et par l'habitude tout ensemble, et que ce sont là des forces dont on ne triomphe qu'à la condition de revenir 100 fois à la charge et d'avoir 100 fois raison. Nous avons dû toucher en passant à ces singuliers débats, bien que la pensée moderne y ait peu de choses à apprendre, afin de rendre exactement la physionomie intellectuelle de notre auteur, et de reproduire non seulement les traits qui lui sont communs avec les grands philosophes de tous les temps, mais encore quelques-uns de ceux qui en font l'homme d'une certaine époque, et qui l'individualisent. À côté de l'observateur, dont les idées n'ont pas vieilli et sont aussi jeunes aujourd'hui qu'à l'instant de leur naissance, il y a dans saint Augustin un polémiste dont les travaux ont eu le sort de tous les travaux de ce genre, c'est-à-dire qu'ils ont plus frappé les contemporains, parce qu'ils répondaient mieux aux préoccupations du moment, mais qu'ils ne peuvent intéresser autant la postérité. Cependant, quand on les place dans leur véritable jour, quand on s'identifie avec les hommes auxquels ils étaient destinés et qu'on devient en imagination un Africain des premiers siècles de l'Église, on ne peut s'empêcher d'y reconnaître l'œuvre d'une pensée ingénieuse servie par une plume brillante. Markendan Archivorg 2021, d'après Books Google FR Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.